Merci d'être fidèle à la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Faut-il avoir une horlogerie de très grande valeur qui permet l'expression de nos artistes, qui permet de maintenir un savoir-faire et un salaire élevé à ceux qui les produisent, ou alors d'opter pour une fabrication en plus grand nombre de montres plus courantes, plus modestes, qui vont cibler une clientèle qui pourra les acheter. Cette semaine, tic-tac, tic-tac. Le fait main, pur et dur, ça n'existe pas. La main de l'horloger ou de l'horlogère est toujours outillée, à minima, par des outils de main. La gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Crise, réforme et résurrection. Il faut bien penser aujourd'hui que l'horlogerie suisse répond à une demande qui n'est pas une demande existante en Suisse. Il faut savoir que 95-95% des montres produites en Suisse sont dévolues à l'exportation. Et les 5% restants, 3% incluent les touristes. Genève est une marque, entre guillemets, qui va être connue bien sûr sur le marché européen, mais bien plus loin, en Asie, à Constantinople, on achète des montres qui viennent de Genève. Quelques histoires de mécanismes. Tic-tac, tic-tac, ou l'industrie horlogère suisse. Aujourd'hui, entretien avec Johan Boya, professeur à la Haute École Arc de Neuchâtel et auteur de l'ouvrage « Les véritables maîtres du temps, le cartel horloger suisse 1919-1941 » paru chez Alphil Éditions. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Johan Boya, j'ai une formation à l'origine d'histoire, géographie, économie, renforcée par une formation en histoire des techniques. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, j'enseigne à la Haute École Arc à Neuchâtel et au Gymnase français à Bienne. Mais le plus haut plaisir, il a à voir avec le lieu de l'enseignement ou la nature même de l'enseignement ? Les deux. Les deux ? Les deux. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement ? Question difficile. L'interaction et la capacité qu'ont les étudiants de tous âges, que ce soit des adolescents ou des adultes d'une quarantaine d'années, à prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'on pensait de vrai dans la logique. C'est jamais une science exacte. C'est toujours une sorte de, pas du feeling, mais il faut être très attentif aux réactions. Et c'est fascinant parce que quand on pense à obtenir ou avoir exercé une méthode d'apprentissage qui a fait ses preuves, on se rend compte en fonction d'une volée, ou d'une journée ou d'une thématique qu'on peut tout reprendre à zéro. C'est ce qui fait la richesse à mon échelle de cette profession. Mais, Johan Boya, vous inversez un peu les stéréotypes qu'on a dans la tête parce qu'on a tendance à se représenter une jeunesse qui, par bien des aspects, j'y inclus évidemment les réseaux sociaux, semble relativement uniformisée. Et vous nous dites pas du tout. Là, il y a une quantité de pièces. Pour mon expérience, je constate avec mon plus grand plaisir, effectivement, que cette jeunesse n'est pas uniformisée. Quand bien même elle consomme des objets, des accessoires qui le sont. Mais pour le peu qu'on se donne la peine de réfléchir avec eux, leur donner des outils de vulgarisation de la société dans laquelle ils sont, on constate qu'ils sont extrêmement attentifs à leur identité. Et les jeunes générations, puisque mes étudiants ont toujours à peu près le même âge. C'est-à-dire à peu près ? À peu près entre 15 et 19 pour le secondaire 2, et puis après il n'y a pas de limite pour le secondaire 3. Mais pour ceux qui sont du secondaire 2, chaque année qui passe nous amène des étudiants qui sont plus attentifs aux défis de la société, plus critiques vis-à-vis des vieilles générations. Et c'est très réjouissant pour ma part. Les 15-19, pour ce que vous pouvez en savoir, passant par votre enseignement, par vos lumières, ont-ils pu les apprécier à ce point qu'ils ont continué dans la voie que vous leur aviez enseignée ? J'aurais tendance à dire, j'espère bien que non, parce que le but, pour ma part, c'est de pas de faire l'unanimité. J'ai pas envie de former des historiens, des géographes, des économistes ou des sociologues. Le but, mes collègues partageront évidemment cet avis, j'imagine. Je ne suis évidemment pas le seul, c'est de former des citoyens critiques qui sont capables de construire un avenir de manière intelligente, et ça passe pas forcément par l'histoire, ça passe par simplement des outils de réflexion qu'on va retrouver dans les sciences dures, dans les sciences humaines, qui puissent faire des interconnexions, des interrelations, qui puissent avoir des outils pour se défendre et avancer dans la vie en toute autonomie. Des banquiers, des horlogers, aux horlogers des banquiers, c'est l'un de vos nombreux articles, Jeanne Bollat, que vous nous avez fait parvenir et que vous avez écrit. Là, on va s'intéresser à, je reprends vos mots, l'apparition d'interconnexion entre monde bancaire et horloger. Alors, en Europe, mais plus précisément en ce qui nous concerne en Suisse, il y a trois phases concernant la Suisse. Est-ce qu'on peut un peu en prendre connaissance avec vous ? Volontiers. D'une manière générale, la Suisse au XXe siècle se distingue par l'apparition d'une succession de connexions entre le monde bancaire et le monde industriel. C'est pas propre à l'horlogerie, c'est pas propre à la Suisse. Mais pour ce qui concerne la Suisse, le cadre théorique montre qu'il y a une première phase qui va de la fin du XIXe jusqu'aux années 30. Et une deuxième plus intense entre les années 30 et les années 80, qu'on appelle dans la communauté des historiens la forteresse des Alpes. Et puis la troisième et dernière, depuis les années 80, cette forteresse tend à se fissurer sous l'effet de la circulation des idées, des économies, la mise en mondialisation. Et donc on a vraiment trois phases successives avec un pic d'intensité entre 1930 et 1980 pour les bornes larges, disons. Alors on reviendra à cette notion très intéressante de forteresse suisse. Je voudrais qu'on reste encore un moment sur ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire ces interconnexions qui constituent plusieurs types de gouvernance. Oui. Si je reprends vos mots, il y a le modèle du capitalisme financier, le modèle axé sur la dépendance des ressources, et enfin le modèle de la cohésion de classe. Alors prenons le temps, parce que ce ne sont pas des données avec lesquelles nous nous sommes familiers, prenez le temps de nous expliquer ce que c'est ce registre. Alors ce sont des modèles théoriques qui ont été amenés par la sociologie, et évidemment nous les historiens économistes, on essaie de valider ou non ces modèles-là. C'est un courant historiographique qui a pris corps notamment à l'université de Lausanne sous l'impulsion du professeur Thomas David. Et puis, il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'en Suisse, ces modèles ont une certaine pertinence. Il y en a un qui n'est pas du tout pertinent, mais il y en a trois autres qui sont complètement fascinants, parce qu'on arrive à vraiment... À lire et à calquer des frises chronologiques très précises. Alors, si on reprend peut-être de ces modèles qui sont validés par l'analyse mathématique, puisque c'est une approche quantitative qui a été menée, on constate que durant les trois phases que vous évoquiez au début de l'entretien, c'est la phase, celle entre 1930 et 1980, qui voit ces trois modèles se combiner pour former un dense réseau entre la sphère industrielle, horlogère, et puis la sphère bancaire et financière. Le premier de ces modèles, on constate qu'au fur et à mesure que le secteur horloger se densifie, que les points de contact entre les horlogers et les banquiers se multiplient, on constate qu'il y a une ferme volonté de la part des banquiers de trouver une interface le plus qualitativement élevée dans cette matrice relationnelle. C'est-à-dire que on constate que ces banquiers choisissent dans quelle manufacture ils veulent être représentés. Et puis ça fait écho à ce modèle de dépendance aux ressources, puisque c'est une manière pour les banquiers, mais c'est aussi une manière pour les horlogers, qui font partie des conseils d'administration des banques concernées, d'avoir accès à l'état du marché, qui est solvable. Faut-il préciser, là, sans doute, de quelle banque on parle, de quelle banque vous parlez à ce moment-là ? Alors justement, avec ces horlogers, c'est très compliqué, puisque en fonction de la frise chronologique qu'on va déployer, au début des représentations mathématiques, on constate que la population est plutôt composée d'industriels. Puis à la fin des représentations mathématiques, vers 1950, on constate qu'il y a plus de banquiers. Ça, c'est la première modification. Et en plus de ça, on constate qu'au début des mesures, entre 1900 et 1925, le modèle est surtout constitué de banquiers régionaux. C'est-à-dire ce sont des représentants des succursales de banques cantonales. Et puis à la fin de l'analyse mathématique, on constate que ce sont des représentants des sièges zurichois, balois et bernois, donc des banquiers d'envergure nationale qui font partie de ce réseau bancaire horloger. Donc ça signifie que la gouvernance de l'horlogerie est pilotée au début par des succursales locales, du Jura bernois, du Jura neuchâtelois. Et puis à la fin, l'industrie horlogère suisse se trouve intégralement contrôlée par les directions centrales des trois grandes banques suisses, que sont la Société de Banque Suisse, l'Union de Banque Suisse et le Crédit Suisse. Je me permets un instant, Johann Boila, d'aller vers un chemin de traverse. Qu'est-ce que l'analyse mathématique vous permet de voir, ça on l'envisage? Qu'est-ce qu'elle ne vous permet pas de voir? Elle ne nous permet pas de voir qui décide d'être représenté dans quel conseil d'administration. On arrive à voir qui fait partie de quelle entreprise et qui fait partie de quelle banque. Ce sont des données publiques. On les trouve tout simplement dans les rapports annuels des conseils d'administration, des grandes banques qui sont conservées dans toutes les bibliothèques de Suisse universitaires. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais après, comment la délégation du pouvoir se réalise? Où est-ce que les discussions ont lieu? Ça, évidemment, ce sont des données historiques auxquelles les chercheurs n'ont pas encore accès. Y a-t-il dans ces analyses mathématiques la possibilité de percevoir une Suisse relativement homogène ou fortement, concernant ce dossier relationnel entre banque et horloger, au contraire très disparate d'une région à l'autre, d'un canton à l'autre, d'une ville à l'autre même? Là encore, c'est la plasticité du modèle évolue avec les années, puisque l'enquête a été menée sur 50 ans, avec des représentations graphiques tous les 10 ans. Alors oui, effectivement, on a un modèle qui est absolument fascinant, parce qu'au début des mesures, jusqu'en 1925, on constate que cet ensemble de réseaux prend naissance avec trois embryons, notamment dans le Jura-Soleroy, et ça, c'est quelque chose dans l'historiographie auquel on n'était pas vraiment attentif. Dans le Jura bernois et puis dans le Jura neuchâtelois. Et puis ces trois régions-là sont liées à des banques, donc des succursales régionales, qui se spécialisent dans les métaux précieux pour le Jura neuchâtelois, dans les métaux non ferreux pour le Jura sur le Roi. Et puis le Jura bernois fait le pont entre ces deux régions, à l'est et à l'ouest, grâce aux succursales d'une banque qui est aujourd'hui disparue et qui a un rôle absolument fondamental dans ce développement du réseau bancaire horloger. C'est la Banque Populaire Suisse, qui a été rachetée par le Crédit Suisse à la fin des années 90. Et cette Banque Populaire Suisse a une situation hybride, c'est-à-dire qu'elle a une envergure plutôt nationale. Elle est d'essence bernoise, certes, mais elle a vraiment une puissance financière proche des grandes banques nationales. Mais elle a développé, à l'inverse des grandes banques nationales, un puissant réseau de succursales régionales. C'est ce qui fait toute la force de cette BPS, qui permet de s'approcher des banquiers de ces vallées horlogères qui parsèment le Jura bernois, Neuchâtelois et Soleroy. Je reviens au modèle mathématique, pardon, oui, de vous interrompre, mais ça se voit comment, ça? Vous avez quoi devant les yeux quand vous travaillez? Quand on projette le modèle, ouais, les résultats, ouais, on a une succession de lignes et de points, avec, ouais, des acronymes un acronyme unique pour chaque manufacture et un acronyme unique pour chaque succursale de banque. Et de sorte qu'on ne peut pas avoir d'erreur quant à la projection, c'est infaillible. Par contre, ça demande un long et rigoureux travail de traitement de sources premières, puisqu'il faut entrer ça sur des tableurs Excel. Il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas d'homonyme au niveau des personnes physiques, puisque voilà, c'est dynastie horlogère, il y a trois Charles, quatre Pierre et cinq Patrick à chaque fois. Celui ou celle qui écrit n'écrit pas forcément justement, correctement? Absolument, il y a parfois des prénoms qui sont juste... Problème de copiste. Exactement, il y a aussi des... Mais pour les rapports annuels, on a ce problème-là, pour les rapports annuels, ils sont tapés à la machine. Ah. Mais voilà, la nature humaine est en fait que Christian, on va peut-être pas l'écrire Christian, on va l'écrire CH. Et donc du coup, est-ce que c'est Charles, Christophe ou Christian? Mais grâce aujourd'hui au Big Data, on a une quantité d'informations en libre accès sur Internet, des bases de données historiques validées par notamment l'Université de Lausanne et notamment le DHS aussi, Dictionnaire historique de la Suisse, qui permet heureusement de réduire le risque. La marge d'erreur. Histoire vivante, cette semaine. Tic-tac, tic-tac. Suite de l'entretien avec Johann Boila. Johann Boila, on peut poursuivre effectivement avec l'implantation de cette banque jusque dans le milieu des années 90, au moment où elle se fait racheter par le Crédit Suisse. Son maillage territorial, il est, qu'est-ce que l'on peut dire, il est d'origine culturelle. Est-ce que c'est une banque qui serait d'origine, enfin de lignée familiale, et une culture comme ça qui se transmet tout au moins au départ de génération en génération? Pas à ma connaissance. C'est une piste qu'il faudrait évidemment évoquer, c'est-à-dire pourquoi la Banque Populaire Suisse, avec son envergure, décide-t-elle de faire exactement l'inverse de ce qu'ont fait l'UBS, le Crédit Suisse et la SBS à l'époque. Parce qu'elles sont sensiblement de taille comparable? Au niveau du bilan, non, mais au niveau du nombre d'employés engagés par cette BPS, c'est vraiment quelque chose de très important. Et qui a complètement été évacué ou pas saisi par l'historiographie jusqu'à présent. C'est vraiment cette BPS qui joue sur les deux tableaux et qui permet, avec un succès phénoménal, de connecter et de renforcer ce maillage territorial entre les banques et les horlogers. Et pour en revenir à votre question initiale, c'est-à-dire est-ce qu'on voit des zones géographiques évoluer ou une représentation géographique différente entre le début et la fin des mesures? De manière assez iconoclaste, et là les modèles sont catégoriques, la place genevoise n'apparaît pas dans ces projections de réseau. Alors, on comprend que le modèle mathématique permet de vérifier et de constater. Mais est-ce qu'il permet d'expliquer? Non, mais il permet de laisser quelques indices, qu'il faudrait évidemment valider, ce sont des hypothèses. On constate, toujours par rapport à la BPS, l'absence d'horloger dans le conseil d'administration de l'agence genevoise de la BPS. Alors, on pourrait critiquer ce modèle en disant que, ben voilà, si la BPS, si Genève n'apparaît pas, c'est que la BPS n'est pas implantée à Genève. Effectivement, ça serait un argument massu. Or, cette BPS est implantée à Genève. La SBS. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Ils ont décidé de venir à Genève. La SBS et l'UBS, eux, elles aussi, sont implantées à Genève. Puis, en fait, dans les rapports annuels dont j'en parlais avant, j'ai pas trouvé de correspondance entre les manufactures genevoises et ces trois places financières genevoises. Donc l'hypothèse qu'il faudrait vérifier, bien sûr, c'est que la connexion entre les banquiers genevois et les horlogers suisses se ferait, c'est un conditionnel, par les banquiers privés genevois. Et là, il y a toute une recherche qu'il faudrait mettre. Et donc, si cette hypothèse est vérifiée, cela signifierait qu'il y a évidemment une concurrence forte entre les banquiers privés genevois installés depuis fort longtemps, et bien plus, avec une histoire beaucoup plus longue que les banquiers balois et zurichois incarnés par, ou bernois incarnés par la SBS, l'UBS, le Crédit Suisse et la BPS. Joanne Boilat, ne prenez pas ironie la question que je vais vous poser, mais vos modèles mathématiques vous permettent-ils de vérifier qui drague qui entre les banques multiples et l'industrie horlogère? Les catégories professionnelles s'inversent entre le début et la fin des mesures. Au début des mesures, on a très majoritairement des horlogers dans la population, dans l'échantillon, qui s'approchent de ces banquiers pour évidemment obtenir des crédits. Et puis, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, on a une inversion des catégories professionnelles, puisqu'à la fin, on a plus de banquiers que d'horlogers. Donc le jeu de séduction s'inverse aussi. À la fin, c'est la course pour les horlogers, à savoir qui va pouvoir être élu parmi cet échantillon de représentés. On a très peu d'horlogers, et c'est vraiment les quelques horlogers qui font partie de ce réseau national de banquiers sont des personnes qui ont une très grande expérience dans la pratique de l'horlogerie, ce qu'on appelle l'établissage. Et ce sont surtout des personnes qui représentent les associations patronales ou les associations cartellaires mises en place à partir des années 20. Donc le jeu de séduction est très important. Et encore une fois, c'est une lecture basée sur des sources primaires publiées. Il faudrait voir, et ça serait extrêmement intéressant, comment est-ce que cette séduction se met en place dans les alcôves, dans les associations philanthropiques et autres. Joanne, voilà. Comment parvenez-vous à expliquer, au-delà une fois encore du constat, cette disparition apparente du nombre d'horlogers? Est-ce qu'il y a une élimination par la qualité? Est-ce qu'il y a une transformation qu'une éventuelle crise précédente a pu entraîner. Est-ce que la plupart du temps, les crises ont tendance à entraîner, ça on l'imagine, mais on a envie de savoir comment, des transformations du secteur? À mon sens, ce sont les deux paramètres qui entrent en ligne de compte et qui expliqueraient cette modification de la qualité de l'échantillon. Pour ce qui concerne l'aspect des crises, on constate, et là aussi ces modèles sont fascinants, on constate que 1925 représente l'année charnière, pendant laquelle les banquiers commencent à prendre le dessus sur ces horlogers. Mais la manière dont cette prise de pouvoir, ou cette nouvelle gouvernance est instaurée, est fascinante. Ça se passe en deux temps. C'est évidemment les banques cantonales et donc la BPS qui font deux réunions. Ils réunissent les représentants des associations patronales horlogères à Genève et à Neuchâtel dans un hôtel. Et puis, ils rachètent, à partir des années 20, des banques privées dans l'arc jurassien. Et la première chose qu'ils font, on pourrait croire qu'ils licencient tout le monde, eh bien non, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent en place les anciens directeurs pour pouvoir avoir accès aux informations historiques, pour pouvoir accès aux couvertures financières de leurs clients. Ils nomment ces anciens directeurs chefs de succursale. Le modèle est catégorique à ce niveau-là, c'est complètement visible. Et puis, une fois que ce chef de succursale arrive à la retraite, on le remplace par un membre de la direction centrale. Et c'est fascinant. Ils conservent le savoir-faire, la pratique bancaire locale, ils sont proches de leurs clients, et à partir des années 30, ou surtout dans les années 40, quand cette première génération de banquiers familiaux, régionaux, locaux, très bien connus sur les places, part à la retraite, la gouvernance migre à Zurich, à Bâle ou à Berne, au siège des grandes banques nationales. Et cette transition, ce changement de gouvernance, est rendu possible par un mécanisme mis en place par les industriels et les financiers eux-mêmes à partir de 1928. C'est ce qu'on a appelé la fiduciaire horlogère suisse, qui était en quelque sorte le gendarme du cartel. C'est une société anonyme qui avait pour tâche de passer au crible la comptabilité de tous les industriels. Donc ça va du fournisseur d'aiguilles, en passant par la manufacture la plus réputée. Et qui ne respectait pas les prix, qui ne respectait pas les crédits accordés, qui ne présentait pas les pièces comptables, était mis hors jeu, éjecté de la pratique de l'établissage. C'était un objectif de contrôle avant tout ? C'était un objectif de contrôle, et c'était un objectif de contrôle assumé pour éviter justement les crises dont vous parliez avant, puisqu'il y a plusieurs crises dans les années 20, mais une de celles qui pose le plus de problèmes aux plus anciens horlogers, c'est la venue d'économistes, d'industriels qui n'y connaissent pas grand-chose à l'horlogerie et qui font des affaires, puisque l'horlogerie, des fois ça va très très bien, des fois ça va très mal. Et donc du coup, pour ces nouveaux venus, qui avaient tendance à s'endetter, qui avaient tendance à ne pas respecter les règles, qui avaient tendance à ne pas respecter la saine pratique de l'établissage, FIDOR, la fiduciaire horlogère suisse, constituait la Sainte Inquisition. Johann Boila, est-ce que dans ces années 20, toutes les crises se ressemblent ou chacune a son identité propre? Malheureusement pour les horlogers, les crises ne se ressemblent pas. Bigre. Et c'est bien la succession. Donc on ne peut pas la voir venir. Alors la première, ils ne la voient pas venir puisqu'elle est liée à l'armistice. Et du jour au lendemain, les marchés se ferment. Il faut savoir que l'industrie horlogère suisse, entre 14-18, a réussi à réorienter très rapidement sa production. Ils ont évidemment fait des montres-bracelets pour les soldats. Ils ont aussi fait cette notoriété publique. Il n'y a aucun scoop dans mes propos de la munition de guerre. Sauf que, ben voilà, heureusement la guerre se termine, mais du strict point de vue commercial pour les horlogers suisses en 1918, les débouchés qui ont fait leur fortune à partir de 1916 en tout cas, se ferme du jour au lendemain. Donc cette première crise, ils n'ont pas pu l'anticiper, se retrouvent avec la marchandise sur les bras, ne plus savoir qu'en faire, et évidemment des dettes à rembourser auprès des banques. Et puis en 21-22, les soubresauts géopolitiques de l'Europe ne constituent de loin pas un avantage pour qui veut vendre des montres. Les populations, évidemment, sont pour la plupart démunies. L'horlogerie est un bien qui n'est pas de première nécessité, donc voilà, les marchés s'effondrent, les marchés ne repartent pas. Il y a évidemment un marché qui était très important pour la Suisse, c'est le marché russe, pour les raisons qu'on connaît. Voilà, il n'y a plus rien qui s'écoule en Russie soviétique. Et puis la dernière crise, c'est celle de 1929, qui est une crise économique qu'on n'a pas pu prévoir non plus. Et qui est systémique, elle. Et qui, elle, est systémique. Et donc, du coup, dans les années 20, on retrouve, de manière assez caricaturale, les trois mots qui constituent l'ADN de l'industrie horlogère suisse, c'est-à-dire que l'horlogerie suisse est absolument effrayée à l'idée des crises économiques, à l'idée des fermetures de marché pour des raisons géopolitiques, ou à l'idée de voir une nouvelle technologie industrielle remettre en cause la mesure du temps mécanique, par exemple. Voilà, le temps s'écoule malheureusement très vite, et surtout quand on parle d'horlogerie. Mais cependant, je vous propose qu'on se retrouve du côté des bonus d'Histoire vivante, parce que j'ai encore évidemment une ou deux questions à vous poser. On va pas s'arrêter là. Donc aujourd'hui, fin de l'émission, mais direction après Internet pour vous écouter à nouveau sur quelques chapitres. À tout de suite. Demain, la suite de cette semaine consacrée à l'horlogerie dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante, Marche ou crève, à voir dimanche soir sur RTS2 et dès maintenant sur le site des docs de la RTS. Nous serons en compagnie d'un anthropologue, Hervé Mouns. Proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.